légèrement cariopi yo. Rime l'oignon légèrement. Sans sans sans gade à taille. Et puis rime légèrement cariopi yo. Rime l'oignon légèrement.